Ça doit être une torche d'une tête qui torche et bime les yeux. Voilà qui capture les vagues. Ça s'effitroche sur l'ouragan. Για να τις φιλοξενήσει.